T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, Planète Indie, ça commence maintenant. Nous sommes le samedi 6 avril 2019. C'est l'épisode numéro 407. Nous sommes ensemble comme chaque premier samedi du mois, vous le savez maintenant, entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL pour découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Si vous étiez avec nous le mois passé, vous vous souvenez peut-être que j'avais dû couper en fin d'émission un morceau de la chanteuse Clémentine, un morceau qui s'appelait From Monkey to Man. Un très très beau morceau et je vous avais promis qu'on allait le réécouter, qu'on allait recommencer cette émission aujourd'hui avec ce morceau. Eh bien, j'ai tenu parole. On va donc réécouter, en tout cas réécouter en entier cette fois-ci, Clémentine avec ce morceau From Monkey to Man. Restez bien branchés sur cette fréquence que vous nous écoutiez via internet ou via les ondes radio traditionnelles ou par le câble télédistribution. Eh bien, vous avez fait le bon choix et nous sommes ensemble donc jusqu'à 18h30. Three monkeys died in a coconut tree, hanging around, if you know what I mean. Said one of these monkeys, now listen, you two. There are certain rumors that just can't be true. The man at descendant from our noble race. Very ideas are told of disgrace. Brothers, there are some things monkeys won't do. Listen a while and I tell you it's true. A monkey would never go beating his wife, children, or ruining their lives. And you ever heard of a mother monkey leaving her children alone and in need? Would a monkey forget pure selfish greed, build a tall fence round a coconut tree, sit and watch as the fruits of the gods go to waste, not giving his brothers one single taste. If I build a fence, it would be plain to see. Starvation would I'll stay up all night, making love to the sunrises. Hold my head, 'cause when we wake, that train's gonna take me away. New York sunrise, New York sunrise. With you, my world goes blind. Red light on the skyline. Don't wanna close my eyes, 'cause when we wake, that plane's gonna take me away. New York sunrise, New York sunrise. Another day, another life, another heart with walls to climb. If I fall, you take me back again. If another earth calls my name, another soul tells you the same. And you're listening to Planet Indie. We'll be right back. Voilà, c'était à l'instant Bright Garden avec le morceau Love, et avant cela un extrait du tout nouvel EP du groupe Sister Speak, comme on a eu le petit jingle avec Cherianne, la chanteuse et guitariste du groupe Sister Speak. Le morceau s'intitulait New York Sunrise. On a beaucoup de nouveautés à vous proposer aujourd'hui. Bah oui, on en a déjà eu deux à l'instant, puisque c'est des morceaux qu'on n'a encore jamais entendus. Il y en aura d'autres. On écoutera Thrift Bakery, Bassless. On écoutera un extrait d'un dernier album de California, de Dissonance. Nouvel album pour Old Mother aussi. Et puis on ira faire une petite escapade dans le monde de la bande dessinée, puisque comme je vous l'ai annoncé, on va essayer de faire une petite... petite capsule, une petite pause chaque mois dans... On va vous présenter une bande dessinée. Aujourd'hui, ce sera une bande dessinée qui s'appelle Golden Pass ou Ma vie de cascadeuse. C'est sorti chez Ankama, aux éditions Ankama. Mais ça, on en reparlera d'ici un peu plus tard dans l'émission. Et puis d'ici quelques minutes, on ira sur notre album Powerplay. Avant cela, on va encore écouter John Blakely avec Jeff Larsons. Un morceau qui s'intitule... 2 hours, bah nous c'est pas 2 heures qu'on est ensemble, c'est 1h30, déjà pas mal, et puis donc c'est jusque 18h30. You live to ride where I am on the other side. C'était le duo John Blakely avec Jeff Larson. On les écoutait avec le morceau Two Hours, donc cet extrait d'un album qui s'intitule Yesterday's Dream. Oui, le rêve d'hier. Il vaut mieux se concentrer, je pense, sur les rêves de demain. Voilà, 17h20, c'est l'épisode numéro 407 de Planète Indie, comme chaque premier samedi du mois. Si vous nous écoutez dimanche, eh bien, c'est que c'est la rediffusion de l'émission d'hier, donc la musique sera tout aussi bonne. Et on va passer à la découverte de notre album Powerplay du jour, l'album du groupe Passerine, un album qui s'intitule Harbingers. Alors Passerine, c'est un groupe américain qui était fondé en 2009, un groupe qui a fait pas mal de tournées dans aux États-Unis depuis 2012 notamment. Ils ont joué dans toutes les sortes de lieux possibles et imaginables, que ce soit dans les petites salles ou alors dans des plus grosses scènes, notamment lors de gros festivals. Leur musique est qualifiée de modern folk ou de progressive bluegrass. En d'autres mots, ce qu'on appelle aussi souvent la musique Americana. Ils essayent d'apporter bien un regard nouveau et rafraîchissant sur la musique folk et la musique bluegrass, avec un répertoire de chansons originales qui vont des ballades tendres à de la musique un peu plus musclée, mais bon, ça reste encore très gentil. Hein, et puis ils reprennent aussi parfois des chansons traditionnelles. L'inspiration et leur maître à penser, on va dire, eh bien, elle se retrouve dans un large spectre musical. Ça va de Ralph Stanley et Bill Monroe à Lucinda Williams, qui est plus récente et peut-être plus connue, et aussi les Old Crow Medicines, de Bob Dylan à Neil Young, en passant par Cracker and the Black Keys, Keith Wolf, Nancy Griffith ou encore Amy Winehouse. Je vous ai dit que leur album s'appelait Harbingers, et bien on va en écouter un premier extrait. Tout ça encore pour vous dire aussi que, eh bien, il y a différents instruments. Vous entendrez notamment du violon, du dobro, de la basse acoustique. Le dobro, c'est cet instrument qui ressemble à une guitare avec une caisse de résonance en métal. Premier extrait qu'on va écouter, New Bride, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Je vous rappelle leur nom, le groupe s'appelle Passerine. Powerplay. Powerplay. Thank you. sits alone in the mouth of midnight and studies her hands. One crease that begs to be covered up by a shining gold band. Someone has come to court and hold her faster than any man. Oh, she's but a child, but there's one thing that she knows. She understands. She wants to be a new bride. She wants to be a young wife. So she can wear a younger smile when she runs out of life. She wants to be a young wife. She wants to be a new bride. So she can smell white flowers in her hair when age eats her up inside. How can she keep both promises and keep herself sane? She tries to hide in a blaze of glory behind a new name. Stealing into the room, their bed, she can't push it away. She has to wonder whose place she's taken. She wants to be a new bride. She wants to be a young wife. So she can wear a younger smile when she runs out of life. She wants to be a young wife. She wants to be a new bride. Inside, and no one else craves the whole of her the way it does, and no one else cries out her name and knows who it calls, and no, she won't reply until she knows that she is done with being matchless, lonely in her longing, messy flesh and blood. Of her friends and family, her hands have gone pale. His over hers, she'll remember sharply in every detail. Binding herself by word to him, even though she knows she'll fail. A memory to have and to hold the day that day. She wants to be a new bride. She wants to be a young wife. So she can wear a younger smile when she runs out of life. She wants to be a young wife. She wants to be a new bride. So she can smell white flowers in her hair when age eats her up inside. Thank you. musical est un peu différent, hein. J'ai laissé l'introduction assez longue. Enfin, l'introduction, elle va durer tout le morceau parce qu'il est instrumental. C'est Bassless avec le morceau Trotting qu'on va écouter avec 3 T au milieu pour être sûr de ne pas les rater. Puis après, on écoutera Thrift Bakery et Knucklehead Central. Je vous rappelle qu'on écoutait avant cela le groupe Passerine et le morceau New Bright, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. This is Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Michael from Socionic, and you're listening to Planet Indie. Hi, I'm Ann Mercer, and you are listening to Planet Indie. The creases are sharp, and the cufflinks shine as you walk out the door. Laid out by the trophy wife, taken from another life, she wanted more. You're the one that's gonna kill it, because that's what you do. People are told and people know that the big boss is coming through. Your counterpart, he rolls over, because you have the stroke. Each and every day, like it was a joke. The deal is done in the bag, polishing the car with the rag. Someone gets a dollar at Knucklehead Central. In the bag, you carry a burner phone that no one ever knows. Send the third girl money and jewelry and move on to clothes. You finally get excited when you're finally nose to nose. out on the floor and see the brightest of the bright. They come like you, direct from Knucklehead Central. You send a text and then you knock. She awaits like a clock. She has some friends, your two wives. They've got something special. Thrift Bakery, Knucklehead Central. Et avant de retourner sur notre Power Play, oui, on a un peu rapproché les deux premières diffusions, je vous expliquerai un peu après. On écoute un extrait du nouvel album de Dissonance, le groupe de Cat Hall. Et le morceau s'intitule Taste. I'm compelled to listen to you. Dissonance, resonance. I can taste your voice in my mouth like a drug inside my veins. I can feel your hands upon me. I can have no self-restraint. Feel it flow upon my skin. I can see your lips are moving, and I want your taste again. Your voice. Oui, on est passé sur du un peu plus électronique hein, par rapport au début d'émission. C'était donc les Californiens de Dissonance avec le morceau Taste, avant cela Thrift Bakery et Knucklehead Central. Et puis encore avant, dans cette vague électronique, c'était le groupe Bassless avec Trotting. On va passer, retourner sur notre album Powerplay, l'album Harbingers du groupe Passerine. Je vous disais qu'on avait rapproché un petit peu les deux premiers extraits. Bah oui, parce que comme on va faire une petite capsule BD aussi, voilà, elle viendra en troisième position dans les éléments un peu perturbateurs de la playlist, on va dire. Et plutôt que de faire trois fois Powerplay et puis la BD à la fin, bah voilà, j'ai mis la BD avant. Donc j'ai rapproché un peu les deux premiers extraits du Powerplay. Comme ça, vous savez tous, voilà, la façon dont une émission se construit. 17h41, alors, le groupe Passerine a été formé en 2009, ça on l'a dit tout à l'heure, formé autour de la chanteuse et compositrice Carmela Pedicini, et puis du joueur de dobro David Brain. Carmela Pedicini avait déjà son petit groupe de suiveurs, si on pouvait les appeler à l'époque déjà des suiveurs, car elle chantait dans le groupe Radio Free Carmela and the Transmitters. En 2011, eh bien, le duo a recruté Sarah Moore qui, en tant que violoniste. Et puis Sarah a un peu étendu ses ailes, bah oui, en parlant d'un groupe qui s'appelle Passerine, on va parler des oiseaux et donc des ailes, a étendu un peu ses ailes et a fait profiter le groupe de ses qualités de chanteuse aussi. Et elle est devenue aussi une chanteuse à temps plein pour le groupe Passerine. Le duo est donc devenu un trio, formé de Carmela, David et Sarah, et ils sont devenus le cœur du groupe Passerine. Le groupe s'est étendu en 2014 en recrutant Doug Conroy, qui joue de la basse et qui fait aussi les chœurs, qui était connu puisqu'il faisait partie du fameux groupe Radio Free Carmela and the Transmitters. Et il a accompagné le groupe dans sa tournée, le Northern Lawn Tour, avec notamment 23 concerts en 25 jours. Ça, c'était donc en 2014. Au cours des dernières années en date, eh bien, le groupe a mis l'accent sur les festivals et les concerts, notamment en Floride. Ils ont joué notamment au Saratoga Folk Festival, au St. Pete Folk Festival, Creekside Music Festival et bien d'autres. Je ne vais pas vous passer toute la liste. Ils ont été choisis comme groupe de l'année lors du D-Land Original Music Festival en 2012, et ils ont reçu aussi une récompense pour la chanson de l'année en 2011. Et enfin en 2017, eh bien, leur carrière a pris un tournant plus international puisqu'ils sont lancés dans leur première tournée européenne avec notamment un circuit d'un mois en Allemagne. Je vous ai mis la vidéo du morceau Fish. Alors le morceau Fish, on l'écoutera tout à l'heure, ce sera notre troisième extrait. Je vous ai mis la vidéo donc dans notre groupe Facebook, n'hésitez pas à aller voir et nous rejoindre. Vous tapez Planet Indie dans Facebook et vous arriverez directement dessus, ou alors vous passez par notre site www.ilovemusic.ga. et nous, eh bien, place à Passerine pour ce second extrait de notre Powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. Thank you. said how I loved you from the moment that we thank you. Voilà, ça remue un peu plus. Je me sentais un petit peu endormi par rapport à au début de programmation. Donc, voilà, je vous ai mis un truc un peu plus musclé. Et ce truc un peu plus musclé, ça s'appelle No More Winters. Back in the Saddle, c'est le titre de cette EP. C'est un groupe français. Ben oui, on n'aurait pas cru en écoutant. Et alors, le morceau, ça s'appelle Can't Feel the Rain. Ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, la météo, elle est plutôt au beau fixe. 17h52, je vous propose de passer en revue la programmation de nos amis et partenaires de la Rocale pour le mois qui vient. Alors, le 8 avril, donc c'est très bientôt, c'est lundi. Vous pourrez voir ou assister au masterclass de Paul Gilbert. Le 9, ce sera le Johnny Cash Roadshow, 50e anniversaire, tournée de 50e anniversaire de Saint-Quentin. Le 10 du 4, il y avait Lucas Rigger qui devait venir, mais c'est annulé. Donc, si vous avez des tickets, vous vous faites rembourser par les canaux habituels. Le 12, c'est Kevinho. Le 13, le spectacle Africa Africa. Le 13, ça sera donc dans la grande salle, dans la salle principale. Et dans la petite salle au club, ce sera Meute. Le 16, Hoshi. Le 17, c'est Lou Doyon. Le 24, bah oui, on passe directement au 17, du 17 au 24, c'est le release party de AEM, je ne sais pas comment il faut prononcer. C'est le City Ties release et l'entrée est gratuite. Donc, si vous ne faites rien le 24 avril, n'hésitez pas à y aller. Gratuite aussi le Los Alles Raus, c'est organisé par la Rocale, la Fondation EME et les hôpitaux Robert Schumann. C'est un spectacle de danse. C'est le 25 avril. Le 26, c'est le spectacle Los Alles Raus, c'est gratuit aussi. Le 26, Cheek, c'est aussi un EP release party. Le 27, ce sera le Evolution World Tour du groupe Disturbed. Et puis, je devrais aussi vous parler du 3 mai, c'est le Rock Against Cancer. Donc, c'est au profit de la recherche contre le cancer. Et ça se passe donc, bien entendu, à la Rocale. Je vous parlerai aussi un peu plus tard, un peu plus longuement, des 24 Hours Electro for Kids, qui se passeront entre le 29 avril et le 17 mai. Pour le retour à la musique, il y a pas mal de nouveautés. Tout d'abord, Parade Ground, Gold Rush Trains Fall. C'est ce qu'on entend là en arrière-plan. Et puis après, un extrait du tout nouvel album des groupes suédois ou de l'artiste suédoise All Mother. On l'avait découverte il y a quelques années. Elle nous revient avec un tout nouvel album et elle nous emmène à la chasse aux sorcières puisque son morceau s'intitulera Witch Hunt. Et puis après cela, ce sera les King of Foxes et Cartagena. Lost in their dreams. control. De Lina, la chanteuse du groupe All Mother qu'on écoutait avec ce nouveau morceau Witch Hunt, extrait donc de leur tout nouvel album. Je vous parlais du 24 Hours Electro for Kids, et bien il va se tenir, la nouvelle édition va se tenir en fin du mois, là, entre le 29 avril et le 17 mai au Rock Lab, et à cette occasion et bien les installations sonores et interactives du E-Clank Canal du Mobilos Music Museum invite les visiteurs à jouer, expérimenter et découvrir la musique électronique et la musique améliorée par ordinateur, on va dire, dans un environnement ludique. Différents ateliers sont prévus, des ateliers pour des groupes, pour des classes d'école ou des ateliers à à venir effectuer en famille. J'en ai repéré notamment deux, et ils tiennent tous les deux le 11 mai. Le premier, c'est Interactive Workshop, donc pour que les enfants puissent créer leur propre mini synthétiseur. Ça se passera de 11h à 13h. Et toujours le 11 mai, entre 14h30 et 16h30, c'est un atelier interactif aussi. Ça s'appelle Future Soundtrack. Il s'agit de créer sa propre musique de film de science-fiction. Plus d'infos sur le site du Rock Lab via le site de la Rocale, donc. Et ça se passe donc du 29 avril au 17 mai. D'ici quelques minutes, eh bien, capsule BD. Bah oui. Avant cela, on va encore écouter les King of Foxes avec Cartagena. Ça s'écrit Cartagena, mais ça se prononce Cartagena. C'était une nouveauté aussi, le groupe King of Foxes avec Cartagena. Capsule BD, je vous l'ai annoncé, bon, on pourrait peut-être garder cette petite expression. Donc on va essayer de vous faire vivre une BD chaque mois, une nouvelle sortie, puisque bah voilà, on se diversifie un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la bande dessinée Golden Pass, sous-titrée Ma vie de cascadeuse. C'est un album qui est sorti aux éditions Ankama déjà en janvier 2019. Alors le résumé de l'histoire, elle est c'est l'histoire de Gina. Gina est adepte de Kung Fu et rêve de devenir cascadeuse professionnelle. Son diplôme d'arts martiaux tout juste en main, elle préfère tenter sa chance à Hong Kong plutôt que suivre la voie et les conseils de son maître et transmettre à son tour son savoir. Arrivée sur place, elle se retrouve engagée par les prestigieux studios Golden Pass. Au fil du temps, ses rôles prennent de plus en plus d'importance, mais à cause de son physique et à son grand désarroi, elle reste cantonnée dans des rôles de méchante et de méchant. Lorsqu'elle reçoit enfin sa chance, elle partage l'affiche du film Good Cop, Bad Cop avec un collègue étranger qui n'est franchement pas à la hauteur. C'est alors que Jin Ha sera amenée à prendre des décisions qui vont durablement influencer sa carrière et sa vie. Tout choix a un prix et Jin Ha va en faire la douloureuse expérience. Font dès lors apparaître d'autres personnages, notamment Joseph Wang, producteur dans la société concurrente Asia Film, ou encore Sharon Shepard, sa nouvelle collègue qui deviendra son amie. Que dire de ce livre ? Eh bien, l'auteur Baptiste Pagani a voulu écrire non pas un reportage ou un documentaire, mais un drame. Il n'a aucune prétention historique, mais il ne faut pas chercher bien loin les références à certaines figures du genre qui a connu son heure de gloire à l'époque à laquelle cette histoire se déroule, à savoir dans les années 90, et dont l'héritage se retrouve dans bon nombre de productions plus récentes. On pense notamment à Matrix, Reservoir Dogs ou encore Atomic Blonde. De plus, le livre est parsemé d'affiches détournées pour y insérer ses propres personnages ainsi que de fiches techniques, détaillant les trucs et astuces, qu'elles soient bons ou moins bons, louables ou carrément douteux, des secrets de la production cinématographique. On y apprend ainsi par exemple comment faire deux films différents avec un seul tournage, comment réaliser des effets visuellement réussis à peu de frais ou comment partir avec la caisse au moment le plus propice. Baptiste Pagani nous fait part aussi de sa filmographie conseillée à l'attention principalement de qui n'est pas un spécialiste du style mais voudrait aller un peu plus loin que son ouvrage. Finalement, on retiendra qu'il n'est pas facile pour une femme de faire son chemin en toute sérénité, encore moins lorsqu'il s'agit de naviguer dans un milieu essentiellement masculin. Ne voit-on d'ailleurs pas tout au long de sa vie Tiger Khan, son collègue et ami, l'appelait « petit gars ». De plus, derrière le glamour et le strass se cache souvent une réalité moins éblouissante et il faut être suffisamment fort et ambitieux et volontaire pour arriver là où on le désire. Bref, c'est un livre très agréable, voire même instructif, qui se lit d'une traite ou de plusieurs, c'est au choix, et qui de plus, et c'est bon de le souligner, ne tombe pas dans le piège de la violence gratuite et excessive, bien que le contexte s'y prêta admirablement. Voilà pour cette première capsule BD. Golden Pass, ma vie de cascadeuse, sortie chez Ankama Édition en janvier 2019. Retour à la musique avec nouveauté, enfin un groupe qu'on connaît, mais bon, c'est leur nouvel album aussi. Le groupe West of Eden, on les écoute avec The Dwindling of the Day. The southern streaks of autumn mist that hover over the ground. The lowering of the sun, the waning of the light, the cawing of a robin which in spring was singing so bright. But it's okay, it's the dwindling of the day. The muting of the sounds, the southern streaks of autumn mist that hover over the ground. The lowering of the sun, the waning of the light, the cawing of a robin which in spring would sing so bright. But it's okay, it's the dwindling of the day. Thank you. to kiss at the height of summer. They didn't give a toss about the distant thunder. But time flies by, leaves you broken-hearted. Now he's gone and the sun's departed. I must recall the tracks we used to walk. I will follow you down the river. I will follow you down the stream. A right turn by the mailbox and left by the broken old tree. I will follow you down the river. I will follow you down the stream. And it's okay. It's okay. It's okay. It's just a dwindling of the day. Bésame, pero pésame mucho que tengo miedo a perderte, que tengo miedo, que tengo miedo, ey, que tengo miedo a perderte. Elle s'appelle Nidia Ortiz et elle veut qu'on l'embrasse. Besame mucho, embrasse-moi mais embrasse-moi beaucoup, comme si c'était la dernière fois. Bah oui, comme quoi mes cours d'espagnol ont quand même servi à quelque chose, on voit dans... là où ils m'ont mené. Bref, 18h20, il est grand temps de retourner pour la troisième et dernière fois sur notre album Powerplay, l'album Harbingers de Passerine. Je vous ai parlé de Carmela et Sarah qui sont les chanteuses attitrées du groupe. Et bien en 2014, elles ont été engagées comme musiciennes pour travailler avec Tim Green dans une production théâtrale d'une pièce qui s'appelle Les raisins de la colère, basée sur le même roman de John Steinbeck. Ça leur a bien donné une corde de plus à leur arc et elles ont pu avoir l'occasion d'explorer la musique de cette époque et de chanter, de reprendre des chansons de Woody Guthrie et aussi du Carter Family, et ainsi bien que de faire des compositions originales dans l'esprit de cette période difficile. Le groupe Passerine a sorti trois albums, Another Song About a Bird en juillet 2012. Le second album s'appelait Nest of String une année plus tard, en 2013. Et puis ce troisième album qui s'intitule Harbingers était déjà sorti en 2016. Le nom du groupe, eh bien, on pourrait le traduire en français par passereau. Il fait référence évidemment à l'ordre des oiseaux, qui comprend non seulement les oiseaux chanteurs qui sont reconnus pour la douceur de leur chant, mais aussi ça comprend aussi le corbeau, qui est un oiseau qui est dans les mythes le compagnon des dieux et des déesses et qui est un messager qui inspire le rire et révèle la vérité. C'est aussi un farceur. Avec un grand appétit pour la vie et qui apporte la sagesse, la guérison et est très créatif. Voilà l'origine du nom du groupe Passerine. On les écoute avec la plage d'ouverture de cet album. Bah oui, c'est un drôle de nom pour un groupe qui fait référence à un nom d'oiseau. Fish, bah oui, poisson. Je vous ai mis la vidéo donc, de ce morceau sur notre page Facebook. N'hésitez pas à la voir, une vidéo enregistrée en public. Nous, on écoute la version album. Power play. Power play. Fish drank the river to its dregs. He saw me on the bank and he grew some legs. Fish walked up onto dry land. He grew a pair of arms and he grabbed my hand. With eyes like mud and teeth like pearls, the love of my life, come and be my world. Do one thing for I call you mine. You can't drink no more of the cuckoo's wine. I looked at the bottle in my hand. I said, oh, what the hell, and I dove on in. Jonah, how I envy you. The river bed's black where the sea shines blue. In its breathless hug, I'll have no peace. At least Jonah was swallowed by a warm-blooded beast. Salt-rimmed eyes and needly bones, anchored to the bottom by a heart of stone. Jonah, now I envy you. The riverbed's black where the sea shines blue. In his breathless fog, I'll have no peace. At least Jonah was swallowed by a warm-blooded beast. Thank you. that fish, but I yearned and pined. I called in my sleep for the cuckoo's wide. Fish saw my face get hollow and thin, and he feared the fire underneath my skin. A more faithless wife I never have seen. A week in the water didn't wash a clean. I cast you out, you'll never be true. Go back to the bottle of the old cuckoo. Then he took and smashed my heart of stone. I hollered with the pain and I floated home. Jonah, no more jealousy. A heartbreaking fish has set me free. You can ask any wanderer over this world. A fish is no husband for a hot-blooded girl. Voilà, troisième et dernier extrait de l'album Harbingers du groupe Passerine, c'était Fish. Avant de clôturer cette émission, je dois encore vous parler du IFA Young Audience Film Day 2019. Ça se passera le 5 mai 2019. Le Luxembourg City Film Festival participera donc au Young Audience Film Day organisé par la European Film Academy. Trois films nominés et ces films seront projetés gratuitement à la Cinémathèque à Luxembourg tout au long de la journée. Un appel est fait aux jeunes de 12 à 14 ans pour constituer le jury européen de ce 8e IFA Young Audience Award. La remise de prix sera retransmise en direct sur le site officiel de l'événement www.europeanfilmawards.eu qui regroupe toutes les informations sur les films nominés et les villes participantes. Si vous voulez vous inscrire, les inscriptions sont déjà ouvertes pour les jeunes âgés de 12 à 14 ans à l'adresse register@luxfilmfest.lu. Plus d'informations sur le site du Lux Film Fest, www.luxfilmfest.lu. Voilà, cette émission Planète Indie touche à sa fin. C'était l'épisode 407. Le 408, eh bien, se passera le 4 mai 2019. Et puis cette émission sera rediffusée demain entre 17h et 18h30, donc comme aujourd'hui. Sur cette même fréquence, notre site internet où vous retrouvez toutes les informations et les playlists du jour, www.ilovemusic.ga. On se quitte avec David Hurl et Play It Like The Records. Et on se retrouve donc le 4 mai pour l'épisode numéro 408 en direct de Planète Indie. D'ici là, passez un bon week-end, portez-vous bien et à bientôt. Hi, my name is Dan Reardon and you are listening to Planète Indie. Hi, this is Andy Palmer and you're listening to Planète Indie. My name is Josh from Stone Diamond. You're listening to Planet Indie. Play it like the record. I wanna hear you play it like the record. Love it when you play it like the record. I need you to play it like the record. Here I am at your big show. Now I grew up with your records, you know. Play me that guitar solo note for note like the record, yeah. Spun your album 1,000 times. Made a recording of it in my mind. So tonight would you be so kind, would ya? Play it like the record, yeah. Play it like the record. I wanna hear you play it like the record. Love it when you play it like the record. I need you to play it like the record. I like the rhythm of the breakbeat drum. I like the 9 on the G minor strum. I wanna hear it like it was sung on your record, yeah. If you don't want my objection, take my advice and direction. Don't you change what's pure perfection. Play it like the record, yeah. Play it like the record. I wanna hear you play it like the record. Love it when you play it like the record. I need you to play it like the record. Began to dream at an early age that it was me playing on the stage, playing your songs, learn them all by ear. tonight.